bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette 121e émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de l'animation, de la mise en onde et du choix musical et je réserve mes premiers mots pour remercier Denis Marchand et Noël Douville pour les commentaires assez réguliers qu'ils me font pour les émissions précédentes. Aujourd'hui, les deux premiers blocs de l'émission seront consacrés à des nouveautés. Il y aura 8 nouveautés, dont Ben Craven d'Australie, The Skies de Lituanie, The New Keepers of the Water Tower de Suède, The Downloaders d'Italie, il va y avoir Hiromi Uehara du Japon, Children in Paradise de France, France, Lazuli de France, Ulver de Norvège. Le troisième bloc, lui, est réservé intégralement à Godley & Cream, deux membres fondateurs de la formation 10cc, qui ont fait une carrière en duo. Et le dernier bloc de l'émission sera consacré au palmarès Rock de Neurones des 50 meilleurs albums de rock progressif de tous les temps. Et cette semaine, nous aurons en quatrième position King Crimson avec l'album In the Court of the Crimson King qui est paru en 1969. Alors, on débute ça avec le premier bloc et Ben Craven d'Australie. Ben Craven qui a trois albums. En fait, le troisième vient tout juste de paraître en studio. Et l'album s'intitule The Last Chance to Hear. Ça sera suivi d'une nouveauté de The Skies. L'album s'intitule Journey Through the Skies. Ensuite, nous aurons The New Keepers of the Water Tower de Norvège. C'est en fait de Suède, excusez-moi. Et ce groupe-là en est rendu à son deuxième album qui s'intitule Infernal Machine. Et nous aurons en fin de bloc le premier album de la formation italienne Downloaders. Alors on débute ça avec Ben Craven. Thank you.

Alors, on est d'entendre la formation italienne Down Lawler. C'est un nouveau groupe. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Uno. C'est extrait de Arca, leur premier album qui est paru il y a quelques semaines. Ça a été précédé de New Keepers of the Water Tower avec la pièce Trax over Carcosa. C'est aussi une nouveauté. C'est tiré de Infernal Machine qui est paru il y a quelques semaines aussi. Auparavant, on a entendu la formation lituanienne The Skies avec Love of Life et ses extraits de Journey Through the Skies. Et en début de bloc, nous avions la nouveauté de Ben Craven, Spy in the Sky Part 3 et ses extraits de Last Chance to Hear qui va sortir vendredi le 1er avril. On a eu l'exclusivité d'une pièce et on débute donc le deuxième bloc de l'émission avec une demande spéciale de France, de Montréal, qui voudrait qu'on ajoute une touche féminine à l'émission. Eh bien, on va la prendre au mot et ce qu'on va entendre, c'est une pianiste japonaise du nom de Hiromi Uehara, qui est une jeune prodige protégée de Chick Corea, qu'on connaît bien dans le jazz fusion. Et elle est rendue à son 10e album studio en 13 ans, et l'album s'intitule Spark, et on va entendre la pièce Indulgence. Ça sera suivi de Children in Paradise avec I'm Falling, une nouveauté tirée de l'album Morrigan, et on entendra aussi Lazuli de France, Après la guerre, c'est tiré du plus récent album Nos âmes saoules, et en fin de bloc, nous aurons la formation norvégienne Ulver avec Nowhere, et c'est extrait d'un album dont le titre est composé de 12 lettres, dont 10 consonnes. On ne peut pas le prononcer. En fait, ce sont les premières lettres des 12 signes du zodiaque en norvégien. Alors, on débute ça avec Hiromi Uehara pour France de Montréal. Thank you. mind. I've never felt like this before. All I need is you. I will never be the same. Kuchlin, you took my hand. Yes, I'm thinking about you. I'm falling with you. I'm Thank you. Catastrophe. Alors, c'était le groupe norvégien Ulver avec la pièce Nowhere et c'est extrait de leur plus récent album qui, en passant, est un album live dont le nom est imprononçable. Alors, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission si vous voulez retrouver le titre de cet album de 12 lettres, dont deux voyelles. Ça a été précédé de la formation française Lazuli avec la pièce « Après la guerre ». C'est tiré de « Nos âmes saoules » qui est une nouveauté. Et auparavant, on a entendu « Children in Paradise » qui est aussi de France avec la pièce « I'm Falling », extrait de plus récent album « Morrigan ». Et au début de bloc, nous avions la pianiste japonaise Hiromi Uehara avec la pièce « Indulgence » qui est extraite de son plus récent album « Spark ». Après la pause... Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici donc rendus au troisième bloc de l'émission qui sera entièrement consacré au duo Godley and Cream qui sont des anciens membres de la formation 10cc et qui ont quitté le groupe à l'époque pour une carrière en duo dans le but de faire la promotion et surtout mettre en marché un bidule informatique qu'ils avaient inventé pour trafiquer le son des guitares. Et ils ont, en tout cas pour faire la promotion, fait des albums dont la sonorité tourne autour de cet instrument-là. Et ils ont fait trois disques, entre autres le premier L, la lettre L. Il y a eu Freeze Frame, il y a eu Consequences. Et on va entendre un pot-pourri de cinq pièces qu'on a tirées de ces albums-là. Et ça va commencer avec Hit Factory, Group Life, The Sporting Life, Foreign Accents et I Pity for Inanimous Objects. Alors voici Godley and Cream. Business is business. Business is business. Maybe you can think of a way to turn me on. Are you one of those people are you just afraid? Are you one who craves excitement? Were you tailor-made for this morning life, living on a knife edge? This morning life's forever changing. We're waiting. jaded, has all enthusiasm faded. Are you one of those people? Thank you. specks of dust to paperweights, or a pound of sealed resin, plastic Santas in perpetual underwater snowstorms, sculptures that appear to be moving but aren't. I feel sorry for them all. They arrive at a place, do they sigh with disappointment? And when they leave, do they have regrets? Is it sulfur as happy in one corner as it is in another? And how does the room feel about it? Alors, nous voici rendus au dernier bloc de l'émission qui est habituellement consacré au palmarès Rock de Neurone des 50 meilleurs album de rock progressif de tous les temps. Et aujourd'hui, nous avons la quatrième position qui est tenue par King Crimson et l'album In the Court of the Crimson King. Cet album-là est paru en 1969. C'est un des premiers de la lignée très productive de cette formation qui a connu plusieurs vies, disons-le. Et aujourd'hui, je vous propose trois extraits. I Talk to the Wind, Epitaph et The Court of the Crimson King. Alors voici King Crimson. Set the straight man to the late man. Where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. My words are all carried away. I talk to the wind. The wind does not hear. The wind cannot hear. I'm on the outside, looking inside. What do I see? Much confusion, disillusion. Upset my mind. Can't instruct me or conduct me. Just use up my time. I talk to the wind. My words are all carried away. I talk to the wind. The wind does not hear. The wind cannot I've been here and I've been there and I've Upon